parler du senior avec notre ami Gino Gagnon. Belle victoire en fin de semaine contre l'équipe de Bécomo. Une victoire quand même à l'arraché de 4 à 3. Salut, salut Gino. Salut Danny. Gino. Oui, salut Danny. Oui, 4 à 3. La victoire à l'arraché, ça n'a pas été facile? Non, ça a été un bon match. Je pense que la Haute-Côte-Nord sont venus pour jouer. Ils étaient bien préparés, ils ont des bons joueurs. Puis, écoute, ça a été intense du début jusqu'à la fin. Okay. Nous autres, on a commencé un petit peu tranquillement. Là, on a eu quelques punitions qui ont retardé le tempo du match. Mais à partir du milieu de la 2, là, ça s'est resserré. On a repris les devants. Puis, en troisième période, on menait par un but. Puis, finalement, ben, Haute-Côte-Nord n'a pas compté de but, mais ça a été une bonne game, une bonne foule après ça, intense, eu des bonnes mises en échec, puis c'était le fun. OK. 745 spectateurs, c'est très, très bon. On va dire une affaire, là, ouais. Tu sais, je veux dire, moi écoute, qu'ailleurs dans la ligue, c'est 500-600, c'est tel que tel, tu sais, c'est la première équipe, là, tu sais, à Clermont, ici, puis à sur la Côte-Nord, il n'y a pas d'équipe majeure, là. Mais vous autres, là, il y a quand même plusieurs équipes, tu sais, des Marquis, t'as les Saguenay, t'as également les élites, et t'as plusieurs petites ligues, comme les ligues juniors régionales, et ainsi de suite, mais que vous ayez attiré 745 spectateurs, c'est très bon. Ben, c'est extraordinaire. Puis justement, j'en parlais avec Bob. Puis Bob était supposé de venir me donner un coup de main la semaine prochaine parce que j'ai des entraîneurs qui seront absents. Puis il me disait, il dit, Gino, il dit, je pourrais pas aller t'aider parce que ça fait un fil jusqu'à dehors pour rentrer. Ça fait que c'est vraiment bon pour nous. C'est le fun pour l'équipe, c'est le fun pour la Ligue, l'organisation. C'est merveilleux. Ça s'en va en progressant. On a commencé à 350. On a monté à 450, là, on est rendu à 750. Fait que, faut se maintenir là. Puis c'est le fun parce que t'as des équipes de la Ligue senior de la Mauricie qui attirent pas ça. Non. T'as des équipes de la Ligue nord-américaine aussi, là, qui tirent de la patte. Je parle pas de Jonquière, mais dans Thetford, je voyais Thetford. J'ai hâte de parler avec Jeperoquin demain là-dessus. Thetford, qui ont de la misère, semble-t-il, malgré un succès retentissant sur la glace. Donc, c'est 745 spectateurs. Puis, à quelque part, ça c'est de bon augure. Puis, on peut penser que les séries, ça va pogner 1000 personnes faciles. Après. Moi, je prévois que dans les séries, là, on va remplir parce que, premièrement, il va y avoir de la rivalité. Ouais. Quand on regarde dans les petites ligues là, régionales, ça remplit les arénas. Fait que dans le senior, là, j'ai pas de misère à croire que ça va venir. Puis, il y a des gens aussi, exemple, si, mettons, on prend Charlevoix. Il y a des gens de Charlevoix qui vont descendre. Il y a des gens de la Haute-Côte-Nord qui vont descendre. Comme nous, présentement, il y a des gars du monde de Jonquière qui montent dans les autres villes. Fait que plus ça va aller dans l'année, plus les rivalités vont progresser, puis plus il va y avoir de gens. Comment ça va marcher, les séries? Hein? Est-ce que la première équipe qui était au classement, un bail, c'est la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième fait pas une série? C'est un 4-2-3. Un 4-2-3, OK. Toutes les équipes ont fait les séries, OK. Oui, toutes les équipes. C'est pour ça qu'au début de l'année, je te disais, comme là, nous, on est dans un processus d'évaluation jusqu'aux fêtes. On essaye des gars. Puis disons qu'à partir d'après les fêtes, là, il va falloir commencer à solidifier le noyau là, pour se préparer pour les séries. OK. Il y a des gens, vous avez une bonne organisation. Il y a un gars qui s'appelle Mike Doe qui met plein de photos sur les médias sociaux. Il y a de quoi vraiment de. Il y a une belle achalandage, puis on voit que c'est dynamique pas mal du côté du MGR, puis bravo, bravo, bravo. Grosse acquisition sur le plan hockey, deux gros joueurs, Dominique Tremblay et Simon-Claude Blackburn. C'est-tu Simon-Claude qu'on a vu avec les Drakkars de Bécomo ou c'est Dominique Tremblay? Ben, Dominique Tremblay a joué un peu avec Bécomo. Dominique Tremblay aussi a joué avec dans la Ligue Junior 3A. Okay. Je pense que Bob fait un travail extraordinaire présentement pour nous. Hein. Il est à temps plein puis ça paraît parce que je te parlais, là, je t'ai déjà parlé dans mes autres entrevues que c'est un gars qui avait beaucoup de contacts. Je pense qu'il est en train de le prouver. Puis c'est vraiment le fun, là. Tu sais, un coach est aussi bon que son directeur général. Fait que présentement, comme entraîneur, là, je me sens gâté, là. C'est le fun, tu sais, veut dire, j'ai toujours eu des équipes à développement depuis le début que je coach. Puis là, il m'amène du bon matériel, là, puis je suis vraiment content. Simon Claude, c'est vraiment un gars là, qui a un bon leadership dans le vestiaire, amène la bonne attitude. J'ai vraiment aimé son jeu en fin de semaine. On l'a utilisé en avantage numérique. Puis j'ai pesé sur le citron, j'en ai profité. Puis je peux te dire qu'il c'est vraiment un catalyseur. Puis c'est un corps arrière. J'ai vraiment aimé son jeu. Si je te reviens avec Dominique Tremblay, ouais. Dominique, là, il avait pas beaucoup chaussé les patins depuis le début de l'année, mais on voit que c'est un gars qui a quand même un bon gabarit. C'est un gars qui a du bagage. Puis il va apporter du bon à l'équipe. Puis, mais malheureusement, Dominique, il peut pas toujours se libérer parce que lui, il est entraîneur au niveau Mustang à Chicoutimi. Fait que quand il va pouvoir, il va venir. Puis, mais du côté de Simon Claude, là, il va être avec nous là, jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de problème. OK. Quand tu vas chercher des joueurs demain, ça encourage-tu les autres joueurs? J'imagine que oui, tu sais. Parce que veux pas, là, tu sais, c'est tout en commençant. Hein, trouver des joueurs seniors, c'est. Mais lorsque tu vas chercher deux qui sont de même, ça motive. Ben, c'est certain. C'est comme on disait, une équipe senior, c'est une liste de 35-40 joueurs. Ouais. C'est un roulement de joueurs. L'important, c'est de se faire un noyau. Présentement, on était très fort au niveau du quatrième trio. Au niveau du troisième, on a beaucoup de profondeur. On a des gars d'énergie, on a des gars dédiés. Fait que c'est plaisant là-dessus. On manquait peut-être un petit peu de joueurs d'habileté, là. Puis je peux te dire que ça commence à rentrer. C'est vraiment plaisant, là. Le premier trio en fin de semaine, là, avec Kirion, puis Simon Claude avec Gervais, là, c'était de toute beauté. Là, on voyait que ça commençait. Fait que ces trois-là, quand ils vont avoir la chimie, ça peut juste aller en progressant. Du côté du deuxième trio, encore là en fin de semaine, avec Tremblay, Bouchard puis Vanout, ça a été électrisant. Fait que écoute, ça va super bien, mais mon troisième trio va bien. On amène de l'énergie, okay. C'est le fun. Puis ben, mes hommes forts, ben. On se répétera pas, mais je me sens vraiment en sécurité avec ces gars-là. Ça va super bien de ce côté-là. Qui est ton garçon? Les gardiens de but, faut pas les oublier, hein. Ouais. J'en ai trois. Les trois participent à la roue. Philippe Bédard a connu une excellente partie en fin de semaine. Après ça, Raphaël Chaillé, ben, lui, il a tenu le fort dans les deux dernières. Fait qu'écoute, on a vraiment, là, présentement, là, j'aime mon équipe. On a deux victoires. Ça va bien. On a commencé tranquillement, mais il faut monter par petits pas. Puis je peux vous dire, je suis excessivement positif avec mon directeur général et mes entraîneurs. Après les fêtes, là, ça va commencer. On va commencer à voir. L'identité commence à apparaître. Puis je suis très positif pour les séries. Ah non, OK. Dis-moi, ben là, c'est encore un bout. En fin de semaine, ça dit quoi en fin de semaine? Ben, en fin de semaine, on a un gros match. Hein, c'est Charlevoix. On sait que la dernière fois qu'on est allé là... Ouais. On a répondu par la bouche de nos canons. Fait que je m'attends à un match très rapide, un match intense, un match robuste. Charlevoix, il y a une bonne équipe, hein. C'est des gars qui se présentent, c'est des gars qui sont fiers. Puis les gens là-bas à Charlevoix aiment beaucoup leur équipe, ils l'encouragent. Puis je m'attends qu'il y ait du monde de Charlevoix qui descende. Fait que je pense que samedi, on va avoir un beau partout au foyer des loisirs. Effectivement. Ben, Gino, très intéressant. Encore une fois, on s'en reparle lundi dans le prochain dans le cadre de la chronique du MJR Express de Jonquière. Merci, Danny. Voilà l'instructeur-chef du MJR Express de Jonquière, Gino Gagnon.